dans les clichés, normal, tu connais que ça. Je gratte sans tricher, crois-tu que ce soit normal que mes gars soient fichés chez Alaxa? Non, parce que je m'appelle Alassane, je viole ton espace. Y'a pas de mal à ça après tout ce que tu nous as pris. Non, vis pas dans tes polars où l'étranger c'est le tolard. Car nous comme toi on aimerait profiter des beaux bars, mettre au collard. Pourquoi à la barre c'est toujours les mêmes qui trinquent, mec? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui pointent aux as, mec? On refuse la destinée que tu nous as conçue. Ce que tu veux, c'est qu'on chute et que nos jeunes années se consument. Bref, les ports nous auront pas d'aussitôt. Ce qu'ils auraient kiffé, c'est que les rampas immigrent dans un pays où mangent des burritos. Oh, ça fait trop mal, les tueurs s'expliquent trop mal. Les mythomanes en profitent alors je vise l'estomac. Jeune kleptomane, adapte-toi avant le post-trauma. Car l'état d'une seule voix se débarrassera de toi. Ils sont trop nombreux, leurs léons en bleu. Ils sont trop féreux, leurs héros. Les politicards, ces blaireaux veulent qu'on foute le feu. Afin que leur électorat tutéreux acquiesce à leur politique. Arrête le gibier dans ton safari. Et te vendre ta farine. J'en veux à tous ces faux culs qui votent trop pour Marine. Allez, monte à Paris. Ta France t'a plus de béret. Même tes baguettes sont pétries par farine. Arrête le gibier dans ton safari. Et te vendre ta farine. J'en veux à tous ces faux culs qui voteront pour Marine. Allez, monte à Paris, ta France n'a plus de plairait. Même tes paquettes sont pétries par Paris. Tu rêves d'une France identitaire, d'une France blanche. Tu veux qu'on se penche afin que tu nous envoies 6 pieds sous terre. Mais dis-toi que ce que tu n'as pu faire en un siècle, le frappant en quelques mois. Même avec l'aide de ce facho d'Hongrois. Nous on est plus fragiles, ce qu'on veut c'est devenir éligible. Qu'on soit Chouane, Peur ou Renoir. Y'a pas que des mecs qui tiennent des murs, y'en a aussi des intelligents. Que heureusement, on grandit avec leur africaine armure. Tu t'es gouré en croyant nous déraciner. Dis-toi qu'on t'a pardonné, mais pas oublié. Sache qu'aucune de tes lois nous rendra amnésique. Ta frénésie ne peut mener que vers ton euthanasie. Réfléchis avant de mettre de l'huile sur le feu. Négocie avant de finir sur ma beute. Dépressif, on tient debout. Dis-toi qu'on a peur d'aucun de vous. Si seulement tu nous considérais comme eux, je me serais battu contre le CPE. Et pour ma minorité, c'est la même. Qui passe ou pas, c'est ça le thème. Tes clichés sont trop ancrés. Toi, tu veux qu'on sorte et nous, on veut entrer. Mais les barrières sociales mises en place nous obligent à forcer le passage. Ça suffit pas que tu mettes 2 ou 3 Renoir et Terreau à la télé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'on brûle pour en voir un député de l'Hérault? Allez, monte sur Paris, ta France n'a plus de béret. Ici, même tes baguettes sont pétries par farine. Arrête le gibier dans ton safari. Et te vendre ta farine. J'en veux à tous ces faux culs qui voteront pour Marine. Allez, monte à Paris, ta France n'a plus de béret. Même tes baguettes sont pétries par farine. Marnette le gibier dans ton safari. Et devant ta farine. J'en veux à tous ces faux culs qui voteront pour Marine. Allez monte à Paris. Ta France n'a plus de béret. Même tes baguettes sont pétries par farine. Marnette le gibier dans ton safari. Et devant ta farine. J'en veux à tous ces faux culs qui voteront pour Marine. Allez monte à Paris. Ta France n'a plus de béret. Même tes baguettes sont pétries par farine. Marnette le gibier dans ton safari. Et devant ta farine. J'en veux à tous ces faux culs qui voteront pour Marine. Allez monte à Paris. Ta France n'a plus de béret. Même tes baguettes sont pétries par farine.